Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Dieu crée l'homme. L'homme crée le dernier, accord unanime à cet égard comment s'exprime la Genèse, formules exceptionnelles, supériorité du dogme mosaïque sur la philosophie païenne, Platon, Ovide, sens des mots, fait à l'image de Dieu. Deux substances dans l'homme, conséquences morales et physiologiques, unité de la race humaine, et les sans analogues dans la création. L'homme fut créé, d'après Moïse, après tous les animaux, par conséquent, à la fin du sixième jour, lequel jour correspond à notre époque quaternaire. Cette arrivée tardive de l'homme est un fait si universellement admis que nous n'avons pas plus besoin d'invoquer le témoignage de Cuvier que celui de tout autre naturaliste. Occupons-nous donc uniquement de la manière dont Moïse raconte sa venue. On lit dans la Genèse, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance, afin qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se meuvent à sa surface. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Comment ne pas être frappé de cette redondance du mot « créa » dont Moïse s'était montré jusqu'à présent si avare? Et quelle haute idée un tel langage ne donne-t-il pas de celui à qui il s'applique? Il existe du reste une différence énorme dans la manière dont l'écrivain sacré raconte la création de l'homme et celle des animaux. Pour ceux-ci, Dieu donne des ordres dans les termes les plus brefs et les plus impératifs. Fiat, qu'il soit fait, laissant ainsi sa parole organiser seule la matière passive et obéissante. Mais, s'agit-il de l'homme, il semble se replier sur lui-même et se recueillir, comme pour mieux faire ressortir la grandeur de l'œuvre qui sera le couronnement des six jours. Faciamus, faisons l'homme à notre image. C'est que cette image sera le reflet divin qui assurera à l'homme son empire sur le reste des animaux, et fera de lui une sorte d'être intermédiaire entre eux et Dieu. Remarquons en passant combien le dogme mosaïque l'emporte ici sur la philosophie païenne. Tandis que le Dieu de Platon dédaigne de former l'homme, et abandonne ce soin à des divinités subalternes, le Dieu de Moïse se réserve tout entier pour cette œuvre, et c'est sa propre essence qui l'en demande le type. Ovide, que j'ai si souvent l'occasion de citer à propos de Moïse, Ovide fait très heureusement ressortir cette dissemblance de l'homme avec le reste de l'animalité dans des vers admirables qui sont dans toutes les mémoires. Tandis que les autres vivants, penchés en avant, regardent le sol, Prométhée, donna à l'homme un visage tourné vers le haut, et lui imposa de regarder le ciel, de lever les yeux vers les astres, Confère, Métamorphose, 1, 82 à 86. Prenons garde toutefois de nous méprendre sur la portée des mots, Dieu créa l'homme à son image. Il ne saurait être question ici du corps matériel, composé d'éléments grossiers, mais de quelque chose d'infiniment plus noble, de l'âme spirituelle. Il y a donc eu, dans la formation de l'homme, deux substances bien distinctes, le limon terrestre, et le souffle de vie, que Dieu a combiné ensemble pour constituer la personnalité humaine. L'Ecclésiaste, 12, 7, a très bien fait ressortir la différence de ces deux substances dans l'homme par la différence même de leur destinée. que le corps formé du limon retourne à la terre d'où il est issu, et que le souffle de vie remonte vers Dieu dont il est l'émanation. Continuons de signaler quelques-unes des particularités qui caractérisèrent la première apparition de l'homme sur le globe. Tandis que les autres animaux étaient sortis de la terre et des eaux en quantité considérable, l'homme fut l'objet d'une création spéciale et individuelle, et quand, par la naissance de la femme, prise à même sa propre chair, il fut en quelque sorte dédoublé, l'espèce humaine ne représenta toujours qu'un seul couple. Il y a dans ce mode de création de l'homme et de la femme deux conséquences à déduire, l'une morale, l'autre physiologique. La conséquence morale a été indiquée par Adam lui-même. « Voilà, s'écrie-t-il en apercevant sa compagne, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » Et le texte sacré ajoute, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. » Comment ne pas voir dans ces paroles l'établissement et la consécration des liens indissolubles du mariage? La conséquence physiologique découle de ce fait que l'espèce humaine a été représentée originairement par un seul couple, toute sa descendance n'a donc été que le développement d'une même tige. Où trouver ailleurs un témoignage plus concluant en faveur de l'unité de notre race? Ce qui prouve encore cette unité, sur laquelle nous aurons du reste à revenir, c'est que, dans l'espèce de revue passée par Adam des principaux animaux, il ne s'en rencontra pas un qui lui ressembla. Adam, dit la Genèse, appela donc tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam, qui lui fut semblable. Et cependant le singe existait déjà. Qu'en pense Darwin? Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica VNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.